du Labrador jusqu'au Floride en suivant le méchant chébé. Les hommes attendaient Valentine, un numéro sur un ticket. De Fort Duquesne à la balise, de la balise à Fort Huillier. Les hommes avaient mis la chemise et ils attendaient sur le quai. Ces prostituées, ces orphelines, toutes celles que Paris envoyait, ils les appelaient Valentine, c'était un prénom qu'ils aimaient. Valentine. Elles arrivaient en février, seulement si le vent le voulait. La peine à terre, sitôt mariée, c'était Valentine Day. Elles débarquaient avant l'été, de partout comme s'il en pleuvait. Le choix n'était pas la beauté, c'était Valentine Day. Seulement les marins s'en souviennent, peut-être parce que les marins ont de l'eau salée dans les veines, on sait que la mer se souvient. Quand les vaisseaux de la Royale hissaient en haut le pavillon, de Fort Prudhomme à l'odeur d'âle, c'était la folie des violons. La journée de Valentine Day était une foire aux catins. Aujourd'hui traduite en français, on l'appelle la Saint-Valentin. Valentine Day, Valentine Day, Valentine Day, Valentine Day, Valentine Day. Elles embarquaient à La Rochelle, emportant tout ce qu'elles avaient. La robe qu'elle portait sur elle, c'était Valentine Day. Elles arrivaient pour épouser des hommes qu'elle n'aimerait jamais. Elle n'avait pas le choix d'aimer, c'était Valentine Day.